c'est dans la poussière que tu t'en allas. Des rues de Cordoue jusqu'à la Feria, de Madrid la belle, inconnue de toi. Le soleil en feu quand tu arrivas semblait se confondre à du sang déjà. Jamais rose rouge n'aura cet éclat. Mais personne n'a vu ce jour-là, ce sourire au fond de tes yeux, qui allait pourtant peu à peu conquérir toutes les plazas. Puis vint le moment du premier combat. L'ombre et la lumière dansaient sous tes pas. Chacun attendait comme tant de fois. À croire que la peur n'était rien pour toi. Et même à l'instant où la mort passa, plus près que les autres, toi tu t'avances. Et foule cria en ses vivants, découvrir le plus merveilleux, des sourires au fond de tes yeux, jamais plus elle ne l'oubliera. Ton lait Barcelone, Séville, Linares, le chemin fut long, Manuel Benitez. Avant qu'on t'appelle